Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu apate mbariki. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tukona salimia kila mmoja wenu mujina la Yesu Kristo. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Vile vile tuna salimia banduku na wadada wamefuata mtandao. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila kawia tushimame njoo usome neno. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 22. Tufungule la Biblia yetu mu Matayo sura ya 22. Dans son verset 14. Mu mustari yake ya 14. Prions-nous tous ensemble. Tuombe sisi sote pamoja. Merci Père Céleste. Accente Baba Lejo Minguni. Nous nous tenons dans ta présence. Tu nashimama mopuyako. Comme de l'argile entre les mains de potier. Sawa bulongo mumikono mfinyangaji. Nous t'invitons Seigneur. Tukuna kualika Bwana. Descends au milieu de nous. Upate kushuka katikati yetu. Et accorde-nous tes multiples grâces. Na utupatieko manema yako ya mingi. Bénis chaque frère, chaque sœur. Na ubariki nduku na kila dada. Exauce la prière de chacun de nous. Upate kujibu ku maombi ya kila moja wetu. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Ukumbuke benye ko bagonjwa. Souviens-toi de ceux qui ont un besoin quelque part. Ukumbuke bali ko nahitaji mwafashi fulani. Parce que c'est toi qui es le véritable consolateur. Sababu niwe jo mufariji wa kweli. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno utasoma. Du début à la fin. Mwanzo hata mwisho. Que ton nom soit élevé. Jina lako linyanyuliwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Matthieu 22, Matayo ma kumimbiri na mbiri, dans son verset 14. Mustari yake ya kuminaine. Car il y a beaucoup d'appelés. Kwani baalikwa ni ba mingi. Mais peu d'élus. Lakini bateule ni kidoko. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Bwana aongeze baraka kusomea neno lake. Depuis hier, Tangiajana, nous avons enseigné ceci à l'église. Trufuntia hivu kanisa. L'élection et la prédestination. Uchakuzi na kutangulia kutayarishwa. Touche deux groupes de croyants entièrement différents. Inekalaka unenda kugusa makundi mbili ya baminifu benye kuachana. C'est des groupes que nous appelons. Na ile makundi mbili tu kunaita. Les appelés et les élus. Benye kuitwa na bateule. Nous avons montré hier. Na jana tulionesha. Que l'élection regarde en arrière dans la préscience de Dieu. Ya kwamba uchakuzi ni kalaya na angalia kumukungu, Mungu tangulia kufahamu ya Mungu. La prédestination regarde en avant. Na kutangulia kutayarishwa hakuna angalia ni kumbele. À la destination. Kule tutaenda kuishia. Nous avons montré ce qui crée, ce qui fait la différence des élus. Na tulionesha les appelés. Ile ikunaleta achanisho ya bateule na benye kuitwa. Et avant de nous séparer hier, na mbele ashiku achana jana, nous parlions des élus. Tulianza kusemea yulu ya bateule. pour dire à l'église Dieu a connu chaque canisa que les élus sont appelés les vainqueurs. Ya kwamba bateule beko na waita mnama ingi nasema bashindaji. Ils sont appelés les héros. Bana waita tena bashudia. Ils sont caractérisés beko na onekanishwa par une obéissance totale à toute la parole de Dieu. Kupitia utifu yabo ya utele kuneno lote la Mungu. Ils marchent dans toute la vérité de Dieu telle que Dieu le révèle. Na beko na tembelea mukweli lote la Mungu paka vile Mungu anawafunulia hayo. Ils acceptent le plan de Dieu. Beko ne chika maapu ya Mungu. Ils ont un comportement particulier. Bo beko na tabia moya ya kipeke. Ils ne sont pas satisfaits. Bo abekala ke mukufurahia wala kutosheka. De l'état dans lequel ils se retrouvent. Na ile hali beko na patika na amo. Ils ont une soif d'une grande sanctification dans leur cœur. Bane karaka na kiu ya kujitakasa sana maisha yabo, moyo yabo. Ils ont la soif d'aller avec Dieu de profondeur en profondeur. Bane karaka na kiu ya kwenda na Mungu mupana yuli ya upana ingine. Et dans leur vie, na ndani ya maisha yabo, ils apprécient une vie sainte. Bo banekalaka bo na tamania maisha takatifu. Ils veulent être saints. Bo na penda kuya ba takatifu. Dans leur âme. Munafsi yabo. Être saints dans leur esprit. Ba takatifu mu roho yabo. Être saint dans leur corps. Apenda ko batakatifu ata miliabo. C'est pourquoi nous avons dit hier ceci. Njokomana jana tulimiambia. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans le péché. Mwakati unaona mtu anaishi muzambi. Deux fois tout en se justifiant. Ah, mara sa zingine eko le jesabia haki onaleta na masababu. Il n'a pas le souci de s'améliorer. Ana na ile angaiko ya kuendelea kumbele mkwacha zambi. Il n'est pas un élu. Ule ana mteule. Il n'est pas prédestiné à l'enlèvement, ce monsieur-là. Ule akutangulishwa hata kukunyanyuliwa ule mwanamke wala mwanaume. Quelqu'un qui aime le péché. Mutula na penda zambi. Dans sa vie, il aime beaucoup de conflits. Mumaisha yake avec les gens. Acha kupenda makokotano na watu. Il est caractérisé par la haine. Yeye chuki njo cha kumtawala. Le mépris. Mkubeulana. Il a un esprit orgueilleux. Eko na roho ya kiburi. Il est adultère, mucharati, menteur, mudanganifu wa bongo, voleur, mwiji. Qu'il soit prédicateur, akwe mubiri, qu'il soit diacre, aweshimashi, qui qu'il soit, aizuru akwe nani mkanisa, il n'est pas un élu. Ule anamteule. Quand vous voyez quelqu'un, wakati le unaona muntu qui n'aime pas la parole. Apende neno la Mungu. Qui n'aime pas la parole de la sanctification. Apende neno ya utakaso. Une vie de sanctification. Maisha ya utakaso. Il s'absente à l'église comme il veut. Alofo kanisa vina napenda. Il vient à l'église en traînant le pied. Anako kanisa pole pole. La vie de la prière maisha ya maombi dans sa propre vie mu maisha yake yenyewe est une corvée ni ile tu ni muziko. Il n'est pas un élu. Ule anamteule. Un élu muteule vit tout, de toute la parole de Dieu. Anekalaka ekonaishi nenolote la Mungu. Les élus bateule croient à l'œuvre du calvaire. Bo bekonamini mule kazi ya calvario. Ils acceptent la croix du Seigneur Jésus-Christ. Bekonaitika ile msalaba ya Bwana Yesu. Ils croient à la souffrance, à la mort de Christ. Banamini kule mateso na lufu la Kristu. Les élus bateule. Ils croient à la repentance. Bekonamini mukutubu. Au pardon du péché. Kusame o mazambi. Et à la justification. Na mukwesabio aki. Les élus croient au sang de Jésus-Christ. Bateule banamini ndani Adamu ya Yesu Kristu. Ils croient à la sanctification. Banamini kutakaso. Par l'esprit. Kupitia roho. Par la parole. Na kupitia neno. Ils croient à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Na banamini kuonjo ya batizo ya mtakatifu. Et ils expérimentent. Na bekone yonja. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Ils vont de profondeur en profondeur avec Dieu. Bekonenda upana katika upana na Mungu. Quand la vérité de la parole de Dieu leur est exposée, mwakati ile ukweli yenu na Mungu bane baonesha ayo. Plus petit qu'elle soit, kakweka loko vile kanezi kuya, un élu croit et tremble. Muteule anekalaka mukwamini na kutetemeka. Un élu ne trie pas dans la parole. Muteule ekalake mkuchakula muneno la Mungu. Pour lui, il y a de grandes paroles. Kwake kunekala maneno ya minene sana mbiblia. Des paroles importantes. Mais amafa kabisa. D'autres ne sont pas importantes. Ingine aina na mafamu. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu kila neno ikuna toka mkinywa wa Mungu est important pour un élu. Ni ya mafa kabisa kwa mteule. Il est dans l'obligation d'y obéir. Eko na ile mapasho ya kuti. Et du marcher de tout son cœur. Kutembele amo na moyo wake wote. C'est ça un élu. Njo mteule. Il croit aux promesses de Dieu. Anamini mumalako ya Mungu. Les promesses de Dieu. Malako ya Mungu. De leur temps. Ya wakati yabo. Les élus. Ba teule. N'ignore pas. Bo. N'ignore pas les promesses de leur temps. Abekalake na kosa kujua malako ya wakati yabo. Quand les promesses de leur temps leur sont annoncées, wakati malako ya wakati yabo ni tangazwa, ils croient, bobe onamini, et ils s'identifient, na bani jipanga kuile neno, ils font partie de cette promesse, de cette promesse de l'âge, ile malako inakuya yabo. Ils sont une partie boni benye kuya semu de toutes les promesses faites ya malako yote nyifanshika par Dieu dans leur temps kupitia Mungu mwakati yabo. Ils ont été élus pour ça. Bo bari chakuliwa njo ya ile. Et une particularité pour les élus, na kitu akipeke kubateule, ils ont une compréhension claire Beko, des Écritures na kuelewa kwa wazi kwa maandiko, et de toute la révélation de leur âge. Na kwa ufunuo yote ya wakati yabo. Ça, il faut noter ça. Mwandike ili. Les élus bateule ont la compréhension clair de la parole de Dieu. Neno la Mungu. Ils ont la compréhension claire de la révélation de leur temps. Ils ne sont pas dans la confusion. Ils aiment marcher dans la lumière du jour. Parce qu'ils sont une partie de la promesse du jour. C'est pas comme ce sont des enfants obéissants. Je commande. Savile bo ni batoto batifu. C'est une race élue. Nikizazi ki abateule kenye kuchakuliwa. Dieu les récompense. Mungu ekolapatia de leur séjour. Kumuisho maisha yabo. À la fin de leur vie, Dieu leur donne la vie éternelle. Après avoir passé, expérimenté toutes les étapes de la grâce, ils reçoivent la vie éternelle. Le baptême et le scellement du Saint-Esprit est leur expérience. U baptizo na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu na kwa ni onjo yabo. L'enlèvement est leur récompense. Kunyanyuliwa ni malipo yabo. Les noces de l'agneau. Na karamu ya mwana kondo ndio malipo yabo. Le millénium. Et les récompenses. Miaka elfu ni mshahara yabo, malipo yabo. La nouvelle Jérusalem. Na Yerusalemu mpya ni malipo yabo. L'éternité. Na milele. Et les récompenses. Ni malipo yabo. C'est vrai, frère. Kweli nduku. Les élus ont pour récompense. Bateule malipo yabo. La vie éternelle. Ni bujima milele. Le baptême du Saint-Esprit ou le scellement voilà, du Saint-Esprit, l'enlèvement, kunyanyuliwa, les noces de l'agneau, karamu ya mwana kondo, le millénium, miaka elfu, la nouvelle Jérusalem, Yerusalem mupya, et l'éternité. Na milele. Mais comme l'avons dit hier, lakini paravile tulise majana, contrairement aux appelés et croient en partie la parole de Dieu. Mais ils refusent de marcher dans toute la vérité de la parole de Dieu révélée. Il ne trouve pas d'importance d'aller de profondeur en profondeur avec le Seigneur. Ils ne comprennent pas cela. Ils se disent: nous croyons au sang de Christ. Nous croyons à l'œuvre du calvaire. Nous avons la vie éternelle. Cela nous suffit. Mais quand il s'agit d'autres promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, il refuse d'y marcher. Quand Dieu les révèle, wakati Mungu anafunulia les vérités bibliques, ma ukweli ya Biblia, ils ne veulent pas y toucher. Bo abapende kugusako. Ils croient une partie de la parole. Bo wanaamini sehemu ya neno. Ils croient au salut. Wanaamini kokovu. Ils croient à la croix de Christ. Wanaamini kumsalaba ya Kristo, kudamu ya Kristo. Mais des fois, lakini marangine, certains d'entre eux bamoya katikati yabo Crois même aux fausses doctrines. Bekunamini attaque ma fundisho ya bongo. Église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Quand tu crois aux fausses doctrines, wakati unaamini kwa fundisho ya bongo, même si tu es né de nouveau, ataka mukosha zari kwa mara ya pili, tu n'es pas un élu. Auna mteule. Tu es un enfant, un bébé. Ungariki mtoto mchanga. Qui ne comprend pas beaucoup de choses dans les choses dans Mwenye, la parole de Dieu. Ayaelewa vitu ya mingi maneno na Mungu. Tu es un roseau agité à tout vent de doctrine. Ungariki turitete kuna tingizika tingizika kumpepo yote ya mafundisho. Un enfant n'a pas de discernement. Mtoto ngari akalake na kutambua kwa bitu. Il est poussé à tout vent de doctrine. Ye eko na bebwa kuaina yote ampepo ya mafundisho. Pour lui, ce n'est pas grave. Kwa kiye aina kitu hatari. Il peut même se réjouir de la fausse doctrine. Anaweza hata kufurahia na mafundisho ya bongo. Quiconque se réjouit d'une fausse doctrine. Yoyote ule kunafurahiwa mafundisho ya bongo. Ce n'est pas un élu. Aina mbuteule. Les élus ne croient pas aux fausses doctrines. Bateuli abaminake mafundisho ya bongo. Certains appelés croient aux fausses doctrines. Banyingine katikati ya benye kuitwa. Beko naamini mafundisho ya bongo. Katikati ya wale wenye kuitwa bengine. O milieu de ceux qui ont été appelés. Banaamini aka mafundisho ya bongo. Ils croient aussi aux fausses doctrines. Pourquoi? Dieu a nini. Parce qu'il refuse d'avancer. Sa boba na katala kuenda kumbele. Dans la lumière de la parole. Munuru ya neno. Ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Abafike mkuelewa bitu ya mingi. Des fois ce sont des gens. Sa zingine ni batu. Ils semblent être très zélés. Bobe kunonika sani ba bidi kabisa. Mais ils ne comprennent pas beaucoup mais de choses. Lakini bitu ya mingi ayaelewa. Uchangumuka mukanisa. Être zélé dans l'église. Aina alama ya kanisa seme huko mteule wa Mungu. Cela ne signifie pas que tu es élu de Dieu. Ba frère ba mingi. La plupart des frères. Na ba sœur ba mingi. Et la majorité des sœurs. Même dans ce message du temps de la fin, ceux qui sont zélés, qui sont bouillonnants, ceux qui sont émotionnés, la plupart ne tardent pas de tomber dans les fausses doctrines. La foi n'est pas l'émotion. Imani aina kuchangamuka. La révélation n'est pas l'émotion. Ufunuo aina kuchangamuka changamuka. La compréhension n'est pas la révélation. Kuelewa aina ufunuo. Il y a des hommes dans l'église. Kukubatu mkanisa. Il s'agite par les mouvements. Manekalaka kuchangamuka changamuka kupitia mamandamano. Des mouvements qui s'élèvent dans les églises. Mamandamano nyona lamuka mkanisa. C'est pourquoi la plupart. Je commande ba mingi. Des hommes et des femmes sensationnels. Katikati ya batu bala kuchangamuka changamuka. Tombe dans la séduction. Banekalaka mukuanguka mutongozi. Ce ne sont pas des élus. Haina bateule. C'est vrai frère. Bya kweri nduku. Crois au salut, crois. Banaamini okovu. Croire à la croix, il croit. Banaamini kumsalaba. Il croit au sang versé de Christ. Banaamini hata mudamu yenyewe ni Kristo alimwanga. Des fois ils peuvent expérimenter la nouvelle naissance. Sazingine banaweza kuonja hata kuzalikwa upya. Mais comme ils ne savent pas avancer dans la lumière. Lakini savile abayo kuendelea kumbele katika nuru. Il croit une partie de la parole. Il y a de l'obscurité dans leur foi. C'est cette obscurité qui amène certains élus à croire aux fausses doctrines. Certains appelés à croire aux fausses doctrines. Un élu ne croira jamais, jamais à une fausse doctrine. Non. Même s'il n'a pas étudié, Même s'il ne sait pas lire, au village, sous un arbre, sous une fausse doctrine, quand une fausse doctrine est apportée, ça ne résonne pas correctement dans son cœur. Il n'y a pas une profondeur qui répond. Même s'il n'a jamais lu, qu'il soit homme ou femme, il te dira, ce que tu dis là, je ne le crois pas. Non, la Bible dit ici. Apana, Biblia asema. Dugu ana malisema kapa. Dugu. Non. Mese apana. Je ne crois pas cela. Bilo asema shibi amini. Mais il n'a jamais lu la Bible. Il n'a jamais lu la Bible. Mais ayasoma ka Biblia. Mais quand vous prêchez la vérité de la parole, même s'il n'a jamais lu cela, dans son cœur, il y a cette semence que Dieu avait placée depuis l'éternité, qui reconnaît la vérité de Dieu lorsqu'elle est présentée. Même si c'est un illettré, il dit. Ataka maya fundaka ata irufimoya. Ça c'est la parole. Atasema injo neno. Pourquoi? Dieu anine. Parce qu'il a, il a été. Sababu arikuya. Il a déjà été. Ashakuyaka. Dans les conseils. Mushauri. De la volonté de Dieu. Yamapenzi ya Mungu. Il a une semence de Dieu en lui. Eko na mbeko ya Mungu ndani yake. Et cette semence mbeku, ne reconnaît que Dieu inatambuaka ne reconnaît que la vérité. Paka ukweli. C'est tout. Kunaisha. Les appeler benye kuitwa, quelques-uns d'entre eux bamoya katikati yabo refuse de marcher dans la sanctification. Il trouve la vie de la sanctification difficile. La parole de la sanctification pour certains appelés est difficile. Quand vous lui présentez la parole de la sanctification, wakati unamuonesha neno ya utakaso, il dit, atakuwa anasema, ni nani ataweza vile vyote vile? Ah, kisora, tout ça. Sisi wote tunaokolewa kwa njia ya neema. Nous tous sommes sauvés par la grâce. Ni kwa neema tu. C'est par la grâce. Tunaokolewa. Que nous sommes sauvés. Vile pasteur kuna ubina nani? C'est que les pasteurs d'équipe qui sera en mesure de mettre en pratique. Ce n'est pas un élu. Oule, haina mteule. Il peut être un appelé. Anes kwa ta mwenye kuitwa. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Kweli dada. Les appelés. Benye kuitwa. Ont des difficultés certains appelés. Ba moya kakete benye kuitwa. Beko na magumu. Pour abandonner. Ju ya kuacha. Une vie de péché. Maisha moya zambi. Il s'est attaché à eux. Enyesha kubabamba. Depuis longtemps. Tangia zamani. Il ne supporte pas la parole de la sanctification. Aba vumiliake neno ya utakaso. Il refuse d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il trouve ça. Il trouve que recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose difficile, compliquée. Mon frère, ma soeur, si dans votre vie, vous trouvez que c'est difficile d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit, c'est très compliqué pour toi de recevoir le Saint-Esprit, tu n'es pas un élu. Tu peux être un appelé. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut faire ça? Qui peut atteindre ce niveau? C'est langage. Il est musémé. Est un langage des appelés. Ce sont des gens sans décision ferme. Ils ne sont pas héros. Ils ne sont pas vainqueurs. C'est pourquoi ils trouvent difficile certaines expériences avec Dieu. Il refuse d'aller de profondeur en profondeur avec le Seigneur. Les appelés auront la vie éternelle à la fin. Après le trône blanc. Après le jugement du trône blanc. Et comme récompense, ils auront la vie éternelle pour vivre dans l'éternité. Mais pas comme l'épouse. Lakini apana sawa bibi harusi. Non bien-aimé frère. Apana ndugu mpendwa. Non bien-aimé sœur. Apana dada mpendwa. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. C'est pourquoi frère. Njuko mana ndugu. Votre propre vie que vous menez. Maisha yako kunayo. Identifie ce que tu es. Jo ikunonesha kile wiko. Révèle ce que tu es. Jo ikunatambulisha kile wiko. Révèle dans quel groupe. Na ikunonesha ni mukunji kani. Vous vous trouvez. Mule wo unapatikana. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Vous croyez une partie de la parole. Unaamini kwanza kipande ya neno. Vous refusez de marcher dans toute la parole. Unakatala kutembea mneno la Mungu lote. Vous croyez. Unaamini. Au salut. Wokovu. Et à l'œuvre du calvaire. Na kazi ya Kalvayo. Entretemps. Na mwile wakati wa moya. Vous croyez. Unaamini mafundisho ya Bongo. Vous voyez. Naona. Vous refusez la parole de la sanctification. Neno utakaso. Vous trouvez difficile le baptême du Saint-Esprit. Mwanzo ndo mtakatifu na kuwa nguvu kwako. Ce sont des signes qui prouvent que vous êtes un appelé. Mais tu n'es pas un élu. Lakini hauna mteule. Tu seras jugé pour ça. Na utahukumiwa kwa ile. Pour avoir refusé juu ya kukatala la plénitude de la parole. Neno lote katika utele. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Comme nous l'avons dit, les appelés n'ont pas expérimenté la totalité de la rédemption. Ils ne sont pas aussi couverts entièrement par le sang de Christ. Ils sont comme des vierges folles. Mais ils ne sont pas des vierges folles. Ils sont comme les vierges folles. Mais ils ne sont pas les vierges folles. Vous voyez. Munaona. Est-ce que les vierges, d'abord les vierges sages, quand nous prenons la parabole du Matthieu 25, où il est parlé des dix vierges, cinq sages et cinq folles, les deux groupes allaient à la rencontre du Seigneur. Les deux attendaient le retour du Seigneur. Les deux se préparaient pour aller à la rencontre de leur époux. Mais en allant, lakini katika safari, en attendant mukongojea, que l'époux vienne, bwana arusi apate kufika, les sages baekima prirent de l'huile bakabeba ata mafuta dans leur lampe, ndani ya mafuta yabo, mais les folles mais lakini babumbafu prirent de lampe bwakayatu mata sans huile bila mafuta. Elles ont oublié na barisabwa qu'il n'y a pas moyen ya kwamba hakuna tena namna lampe éclair na ta ipate kuangaza bila mafuta. Ils ont pris un peu d'onction. Mais ils n'ont pas pris l'huile. Lakini abakubebe mafuta. C'est pourquoi elles sont folles. Joko mama anaita sema bapumbafu. Parce que c'était pendant la nuit. L'époux viendrait pendant la nuit. Bwana harusi ilikuwa ni bushiku na bwana harusi atakuwa ni bushiku. C'était pendant les ténèbres. Ilikuwa ni mwakati ya magiza. Il n'y avait pas de lumière. Akukwe nuru. C'est leur lampe. Ni ile mata yabo. Qui devait les aider? Ilipasha kubasaidia kutembea. Pour aller à la rencontre. Juu ya kwenda kubumbana na bwana harusi. Mais ils ont commis. Lakini baritenda. Un acte de folie. Ah, tendo moi ya bumbafu. Ils ont pris, elles ont pris batu, mata ya, de lampes, mata ya abo, sans huile de réserve. Bila mafuta ya kweka pembeni ya kuchungia hapo. Le peu d'huile. Na ile mafuta kidoko. Le peu d'onction. Ile upako kidoko. Ils avaient. Barikuwa washa kweka ndani ya mata. Comme le pou tardé. Sable bwana harusi alikawia. Comme le pou tardé. Sable bwana harusi alikawia. Lui, l'onction. Upako. Était parti. Inapotea. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui. A pas na kushanga. Ne vous étonnez pas. Comme j'ai entendu une comme soeur, j'ai entendu Dada Moya. Anaona bibi wa mubiri Moya qui est un prédicateur puissant. Elle a vu la femme d'un prédicateur au Kwala Uwezo avec de mèches jusqu'à la queue, jusqu'à la hanche. J'ai été scandalisé de voir la femme d'un prédicateur. Elle m'a vraiment scandalisé, elle m'a chopé. Ne soyez pas scandalisé à ce que les gens font. Donc, tu l'avais vu en train de marcher. C'est parce qu'elle avait un peu d'huile. C'est parce qu'on a tout et lorsque dans son lampe, l'huile tarit. Et quand, lorsque l'huile tarit, qu'est-ce qui va se manifester? Shimoko. C'est la fumée. Shimoko. La fumée. Giza. Et l'obscurité. Inakuya. Va suivre. Kale kanuru, kale karikuya, ke le peu de lumière qui angaza, est un peu. Kana fifi, kana ça va disparaître. C'est ainsi que vous voyez. Je crois mana mutaona, des gens qui ont marché. Ils ont prêché avec nous. Ils ont vécu avec nous. Aujourd'hui, quand tu les regardes, vraiment, ils ne diffèrent à rien d'un pentecôtiste. D'une pentecôtiste. Ni la fouta, ina mukauka mulampi. C'est seulement de l'huile qui atterrit dans la lampe et dans son cœur, il n'y a plus rien. Quand tu le voyais comme un chrétien, ni quoi dire à quelqu'un qu'on a quitté. Maintenant, il est ou pas connu chaque mutoka. Vrai. Nikweli. Alors dans cette parabole, Asamui Fumbo, où on parle de ces deux vierges, notez cela. Mwandiki. Les vierges sages. Babikira. Bakima. Dans la parabole de Matthieu 25. Mwifumbo ya Matayo 25. sont des élus. Bo ni ba teule. Sont des vainqueurs. Bo ni ba shindaji. Sont des héros. Bo ni ba shudia. De cet âge de la Odyssée. Bai kizazi kia la Odikia. Qui seront trouvés vivants. Bo batakuta na bajima. Lors du retour du Seigneur. Mwakati ya kurudia kwa Bwana. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoe. Je reprends. Mina rudiriam. Les vierges sages. Aba bikira ba ekima. De Matthieu 25. Ba mumatayo makumi mbiri na tano. Sont des élus. Bo ni bateule. Des vainqueurs. Bashindaji. Et des héros. Na bashuja. De cet âge de la Odyssée. Ba mui kizazi kia la Odikia. Dans lequel nous vivons. Mule tukunaishi. Mais qui seront trouvés lakini baate bakuta vivants bajima lors du retour wakati le de notre Seigneur Jésus-Christ Bwana wetu atarudia. Les vierges sages babikira baekima seront trouvés vivants bo batakutana bajima lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ wakati ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et ces croyants na aba minifu vont expérimenter bobata onja la transmutation de leur corps a kubadilishwa kwa miili yabo pour être enlevé na njua kunyanyuliwa le changement de leur corps kubadilika kwa miili yabo. Vous voyez frère unaona nduku ce sont les élus et les vainqueurs ni bateule na bashindaji de cet état de la Odyssée bai kizazi kia la Odikia. Dans l'âge de fer. Jusque dans l'âge de Philadelphie. Philadelphia. Il n'y a pas eu de vierges sages. Amukuku yake babikira baekima. Il y a eu des élus. Murikuwa bateule. Mais pas de vierges sages. Mais lakini aina babikira baekima. Dans chaque âge. Kila kizazi. Il y a eu des élus. Murikuwa bateule. Des vainqueurs. Murikuwa bashindaji. Dans chaque âge. Kila kizazi. Dans tous les mukila, premiers âges. Qui nous ont précédés. Bizazi sita bile tutanguria. Mais. Lakini. Les vainqueurs. Bashindaji. Les héros. De cet état de la Odyssée, qui seront trouvés, qui va dans leur corps, et tant que scellés du Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ reviendra, sont appelés vierges sages. C'est vrai. Ils seront trouvés vivants. Na batakutana bajima. Matayo makumi mbiri natano. Regardez le verset 1. Mwangale musa alors le royaume des cieux alors, sera semblable à des vierges. Ufano mbingu tafanya na babikira kumi. Qui ayant pris leur lampe. Bo benye kubewa mataya bo. Allait à la rencontre de leur époux. Na mukwenda kumbana. Cinq d'entre elles étaient folles. Na katikati ya watano kwa babu. Et cinq sages. Na batano baikima. Les folles en prenant leur lampe. Bala pumbafo kubewa mataya bo. Ne prit point d'huile avec elles. Lakini akubebe tena mafuta kumbeni. Mais les sages prirent avec elles. Lakini baikima wakabea pamoja. Avec leur lampe. Ba malampi mataya. De l'huile dans des vases. Na mafuta katika vyombo. Comme les poux tardés. Tout se soupir et s'endormir au milieu de la nuit on cria voici le pot allez à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe nettoyèrent leur lampe les folles. Donne-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent. Non. Apana. Il n'y en aurait Il n'en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en manquent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils s'en allaient, achetez les poux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous voyez, Munaona, ceux qui entraient avec l'époux dans la salle de noces, katika chumba ya karamu, c'est elle, les vierges sages. Ni bale babikira baekima. Maintenant, les vierges folles aussi. Ça, babikira pumbafu na bo. Les vierges folles, babikira pumbafu, sont les appelés bo ni benye kualikwa, de cet âge de la Odyssée, kizazi kia la Odikia, qui seront trouvés vivants, bale batapatikana bajima, au retour du Seigneur Jésus-Christ, kudia kwa Bwana Yesu. Mais, lakini, qui vont rater l'enlèvement, batakosa kunyanyuliwa, et qui passeront na bo batapita par la tribulation. Kupitia mateso mkubwa. Les vierges folles aussi babikira pumbafu na bo sont des croyants ni baaminifu que nous appelons les appelés bale tunaita sema benye kualikwa qui les appelle de cet âge de la Odyssée bamwi kizaki la Odikia qui seront trouvés vivants lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ils vont rater l'enlèvement. Et ensuite, ils vont passer par la tribulation pour être purifiés de leur incrédulité avant d'entrer dans les millénaires. Les vierges folles ba bikira pumbafu sont les appelés de cet âge de la Odyssée qui seront trouvés vivants lors du retour du Seigneur Jésus mais qui rateront l'enlèvement et qui après avoir raté l'enlèvement passeront par la tribulation. Batapitia mumateso. Ils vont rater l'enlèvement. Batakosa kunyanyuliwa. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Sababu abana na Roho Mtakatifu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Abakoke Roho Mtakatifu. Ils n'ont pas pu avancer. Abakuweza kuendelea. Dans la vérité de la parole du jour. Katika ukweli ya siku. Jusqu'à la perfection. Ifika na ukamilifu. La perfection en Christ. Ukamilifu ndani ya Kristu. Dans le baptême. Du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, Manandouku, ce message ici ujumbe, a été envoyé par Dieu lui-même. Mungu ya mwenyewe alituma, c'est pour préparer les élus ya kutayarisha bateule, à l'enlèvement kukunyanyuliwa, et pour que les élus nanju bateule, soient enlevés, bapate kunyanyuliwa, ils doivent être scellés du Saint-Esprit. Banapashwa kutiwa muri ya Roho Mtakatifu. Ils doivent mener une vie sanctifiée. Na maisha mwa ya utakaso. C'est vrai. Ni kweli. Ils doivent aimer cette vie. Banapashwa kupenda maisha ya utakaso. Rechercher la paix tafutisheni salama et la sanctification na, avec tous utakaso pamoja batu bote sans laquelle kama ina ile, personne ne verra le Seigneur ataona Bwana. Voilà l'écriture joandiko. Les appelés ne cherchent pas la sanctification. Ils ne sont utakaso, pas en paix avec le Seigneur. Abana msalama na Bwana. Ils vont rater l'enlèvement. Batakosa kunyanyuliwa. Ils vont passer dans la tribulation. Batapita mateso mkubwa. Oui, bien aimé frère. Ndio nduku mpendwa. Dans les six âges qui nous ont précédés. Oui, bizazi sita bitangulia. Il n'y a pas de vierge folle. Amuna babikira bapumbafu. Non. Apana. Il y a des appelés. Muko benye kuitwa. Pas de vierge folle. Apana bikira bapumbafu. L'église est avec moi. Kanisa tukupamoya. à partir de là d'Éphèse jusqu'à Philadelphie, il y a eu des appelés, mais pas de vierges folles. Les vierges folles sont les croyants qu'on trouve uniquement dans l'âge de la Odyssée. Vous voyez, ces croyants qui attendent le retour du Seigneur, mais qui, par leur négligence, n'ont pas d'huile dans leurs lampes, par leur négligence, n'ont pas le Saint-Esprit, par leur négligence, ils ne vivent pas une vie sanctifiée, par leur négligence, ils ne croient pas toute la parole de Dieu. Par les négligences, il crie dans la parole. Il peut ici il ne croit pas toutes les promesses de leur temps. Quand Jésus vient, il les trouve vivants dans leur corps, leur âme régénérée, mais une vie non sanctifiée, les autres une vie sanctifiée, mais sans seulement du Saint-Esprit. Comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas aller dans l'enlèvement, ils doivent passer dans la punition pour être purifiés. C'est dans la tribulation. Ce sont des enfants de Dieu qui ne sont pas arrivés à la maturité. Maintenant, si quelqu'un dit, Pasteur, je suis une vierge folle, même si j'ai raté l'enlèvement, même si je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis une vierge folle. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Je suis déjà sauvé. J'ai déjà la vie éternelle. Même si j'ai raté l'enlèvement, je vivrai éternellement. Vous prouvez par ça, par ces déclarations et par ces comportements, vous prouvez que vous n'êtes même pas une vierge folle. L'Église avec moi. Je suis ici pour attirer votre attention. Une femme chrétienne ou chrétienne s'est dit, la vie éternelle me suffit, même si je n'ai pas le Saint-Esprit, j'ai quand même la vie éternelle, même si je rate l'enlèvement, j'ai la vie éternelle. Il n'est même pas vierge folle, ou le tout, ni muto kwa mini. Il ira en enfer. Namugena ataenda. Jusque maintenant, quand je vous parle, même la vierge folle ne se reconnaît pas être vierge folle. Elle se croit être l'épouse. Elle se croit être élue dans sa vie. Elle est très négligente. Elle néglige la prière. Elle néglige la mise en pratique de la parole de Dieu. Elle n'a pas les soucis de s'améliorer, d'avancer. Son cœur est retenu par les choses du monde. Mais c'est un croyant. Jusqu'à ce soir. Elle est élue. Vous voyez, elle est appelée. Elle vient de sage. Elle vient de folle. Tous se croient comme vient de sage. Tous se croient comme élus. Oui, bien, mes frères. Mais c'est proclamé, j'attire votre attention. Aujourd'hui et croire que tu es une vierge folle, tu ne l'es pas. Tu n'es même pas sauvé. Tu es un démon. Même dans la chair ici, même si on engageait quelqu'un, même si banangisha mutu kazi, comme portier, ça kufungura mulango, Il voudra être le chef des portiers. Ye atapenda akwe paka mukubwa wa kufungula mlango. Quand mon tour va m'engager si quelqu'un est embauché dans une entreprise, son travail c'est ouvrir ses mains la porte. Comme il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir la porte, il cherchera toujours à être responsable de portier. Un chrétien véritable, lui il a soif de faim d'aller d'avant et de gagner beaucoup de faillites de Dieu dans sa vie. Amen. Lui il se contente pas de ce qu'il est. Il veut être un chef. Et qu'on appelle Naya Kona Madaraka. Un élu. Mouteoule. Un héros. Mouchoudia. Un vainqueur. Mouchindaji. C'est la reine. Ni. C'est la reine de, ni, dur du grand roi. Ni Malikia wa Mufalme. Elle est l'épouse. Nani Bibi de Arusi. Wa Bwana Arusi. Mon Christ wa Kweri. Un chrétien véritable. Anapenda Kuya. Lui, il voudra seulement wa Yesu. Être l'épouse du Seigneur Jésus. Qui va régner avec lui. Oule atatawala dans son palais. Mu nyumba yake akifalme. L'épouse. Bibi Arusi. Laonos. Atenda kukaramu. L'épouse. Bibi Arusi. Va habiter. Atekala. Jérusalem d'en haut. Jérusalem à Jou. Pas la nouvelle. La nouvelle. Jérusalem à Moupia. Y'a pas d'unia. Mais si dans ton cœur. La kini kama moyo yako. Tu n'en vis pas cela. Oui, a utamani e ile. Y'a quelque chose de faux avec toi. Kuko kitu kima kia bongo ndani yako. Voyez bien mes frères. Non, anduku. Voyez bien mes sœurs. Non, adada mpendwa. Attendez. Mchungi. Maintenant notez. Mwanjiki. Il ne faut pas oublier cela. Ii mushisabwe. La parabole de Matthieu 25. Fumbo ya Matayo makumi mbili na tano. Il parle de 10 vierges. Yenye na semeze ya yulu wa bikira bakumi. Est une parabole. Ni fumbo. Qui concerne uniquement. Inangaria tu. Les croyants qui vivront. Paka ba minufola taishi. Ou qui vivent. Wala beko naishi. Dans l'âge de l'Odyssée. Mukizazi kia laodikia. Et particulièrement. Na kwa ki peke ce kabisa. Ce croyant qui seront trouvés. Bale ba minifu atakutiano. Vivant lors du retour du Seigneur. Ba ajima mwakati Yesu atarudia. Les sages. Ba ekima. Avec le Saint-Esprit. Na Rome takatifu. Les folles. Ba le Saint-Esprit. Bila Rome takatifu. Mais les deux groupes. Me lakine makunji mbiri. Vivant dans la sanctification. Itaanza kuishi mutakaso. Vous voyez. Munaona. Les vierges folles. Ba bikira pumbafu. Sont aussi appelées. Nabo beko ne baita tena. Selon Apocalypse. Kufuatana na ufunuo. Chapitre 7. Funuo saba. Verset 9. Mustari yake ya tisa. Comme la grande foule. Sawa mwile nkunji mnene. Les vierges folles, je vais terminer. Mina, je vais m'arrêter pour ce soir. Les vierges folles ba bikira pumbafu sont aussi appelées kwanja. La grande foule. Ile kundi mnene. D'Apocalypse 7, ya mufunuo saba, dans son verset 9, mumustari yake ya tisa. Après cela, kisha ile, je regardais, miliangaria, et voici, il y avait une grande foule, na tazameni kwa kundi ya batu mingi, que personne ne pouvait compter, na kukwe mutu akwezi kuibarula, de toute nation, mama taifa yote, de toute tribu, mama kabila yote, de tout peuple, mama taifa yote, de toute langue, na mama lugha yote. Il se tenait devant le trône, na kwa menisha kushimama mbele ya kitabu, et devant l'agneau, na mbele ya mwana kondoo, revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Les vierges folles sont la grande foule d'Apocalypse 7, 9. Ça, c'est un. Il y a quoi? Deuxièmement, na ya pili, les vierges folles sont cette femme ni ule mwanamuke, qui reste après l'enlèvement d'Apocalypse 12, mufunuo kuminambiri, verset 5 à 6. Les vierges folles sont aussi appelées la femme qui reste après l'enlèvement. Dans Apocalypse 12, versets 5 à 6. Elle enfanta un fils qui doit pétrir toutes les nations avec la verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Vous voyez. Troisièmement, les vierges folles, pour terminer, sont encore appelées les vainqueurs de la bête d'Apocalypse 15, d'Apocalypse 15, verset 2. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer verte, la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, des harpes, mabilumbi ya Mungu. Vous voyez, les vierges folles sont aussi appelées, 1, selon Apocalypse 7, 9, la grande foule, selon l'Apocalypse 2, selon l'Apocalypse 12, 5, 6, c'est la femme qui reste après l'enlèvement. Troisièmement, selon Apocalypse 15, verset 2, ils sont appelés les vainqueurs de la bête. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Il a compris. Ça va. Levons-nous pour la prière. Il ne faut pas confondre ça. Dans les six âges qui nous ont précédés, il n'y a pas eu des vierges folles et des vierges sages. Non. Dans les six âges qui nous ont précédés, il y a eu des élus et il y a eu des appelés. Mais dans l'âge de l'Odyssée, les élus sont appelés les vierges sages, parce qu'elles sont trouvées vivants lors du retour du Seigneur et sont enlevées avec lui. Et les appelés de l'âge de l'Odyssée sont appelés vierges folles. Elles sont trouvées vivantes au retour du Seigneur et les rates l'enlèvent. Elles passent dans la tribulation pour leur purification. Prions. Seigneur Jésus, merci. Tu es le Dieu de ta parole.